Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Comme à l'habitude, on plonge dans la sphère du 9e art, dans la sphère de la bande dessinée. Et évidemment, quand on parle de bande dessinée dans la grande région de Québec, voire dans l'est du Québec, si on y va large, ben, il y a quand même des événements qui font figure d'incontournables. Et entre autres, ben, il y a le Festival Québec BD, donc anciennement connu sous le nom de Festival de la bande dessinée francophone de Québec. 32e édition de l'événement, c'est essentiellement le plus vieil événement BD actif au Québec. Et ben, pour la cause, en fait, donc toujours des belles programmations qui nous sont offertes année après année. Et nécessairement, ben, pour La Vie en BD, c'est une habitude, en fait, ça anime un brin notre mois de mars et notre début avril. On aura le plaisir, d'ailleurs, encore une fois cette année, d'être sur place au festival, au centre des congrès, avec deux émissions spéciales qui seront diffusées pendant la fin de semaine, la deuxième fin de semaine du festival. Alors, toujours un plaisir, évidemment, d'en profiter pour aller faire de belles rencontres avec les auteurs, souvent internationaux, qui sont mis de l'avant dans le cadre du festival. Et, ben, de l'autre côté, pour revenir à aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, eh bien, vous le savez, si vous êtes des auditeurs, auditrices réguliers, régulières de l'émission, on aime bien prendre le temps de décortiquer la programmation et de voir un peu dans le détail le quoi, mais aussi le pourquoi, et donc de se donner le goût et de se donner un peu d'impatience aussi en route vers début avril. Alors, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Donc, on va décortiquer la programmation du 32e Festival Québec BD en compagnie de son directeur général, Tom Lui Côté, et ça va se faire dans quelques instants. Et donc, toujours à La Vie en BD, on poursuit avec côté musical, en fait, cette collection de MPJV, ma foi, qui nous a séduit ici, qui séduit à peu près toute l'équipe de l'émission. Alors, ben, on se lance donc dans cette rencontre qu'on vous propose cette semaine. Thomas-Louis Côté, donc directeur général du Festival Québec BD, est avec nous en studio. Alors, Thomas-Louis, cette année, c'est quoi? C'est le 15e festival dans lequel tu es impliqué, c'est ton 14e à titre de directeur général. Et je peux imaginer dans ce contexte-là que pour toi, ça devient une seconde nature de préparer un peu la programmation de l'événement, qu'il y a des éléments de routine, des habitudes que tu essaies de conserver, autant qu'année après année, on essaie de casser certains éléments pour éviter justement de tomber dans la routine comme programmateur de l'événement. C'est de créer des nouvelles rencontres, par exemple, entre certaines disciplines comme la poésie cette année, la bande dessinée. C'est d'essayer de voir au niveau des créateurs à Québec ou des créateurs qui viendront au festival, de voir comment on peut les mettre en valeur puis comment on peut les joindre à d'autres spectacles. Et justement, c'est important, Thomas-Louis, dans cet élément-là, d'ailleurs, dans la mesure où le Festival Québec BD, un élément qui le distingue, c'est justement la programmation spectacle. En fait, c'est un volet qui n'est pas nécessairement aussi fortement présent dans d'autres événements, autant au Canada, autant en Europe. Il y a vraiment une grosse attention et une expertise, j'ai l'impression aussi, qui s'est développée par le biais du festival pour les auteurs, pour l'organisation et dans les partenariats que vous faites aussi. Oui. Mais tu sais, je parlais que le festival a 15 ans maintenant au Salon du Livre, à 14 ans que je m'en occupe. Puis c'était une des volontés, dès le départ, quand on a fait le changement au Salon du Livre et par la suite, quand je suis arrivé, de sortir un peu du créneau collectionneur, chasseur de dédicaces, puis de trouver d'autres façons de faire des rencontres pour les auteurs et pour la bande dessinée. Donc, on depuis plusieurs années, on essaie d'explorer. C'est sûr qu'au départ, dans les premières années au Salon du Livre, on a étendu notre réseau, donc essayer d'aller dans les bibliothèques un peu plus, aller développer des partenariats avec d'autres lieux. Puis c'est justement ça qui a amené des fois l'apport de spectacles. Et oui, effectivement, on en a développé, mais on s'est fait des amis avec ça, des gens comme Lyon BD, avec qui on a des bonnes affinités, ben, c'est des gens qui, eux aussi, développent du côté spectacle. Donc, on le fait ensemble aussi avec Parenthèse 9 sur différents projets. Ben, l'idée, c'est que je pense que la bande dessinée offre beaucoup de possibilités qui n'ont pas encore été exploitées. Donc, c'est pas que c'est relativement facile à chaque année de trouver des nouveaux concepts, mais d'en imaginer, ça vient relativement facilement. Oui, et à la limite, en fait, si je fais du pouce là-dessus, quand je regarde la programmation spectacle, je me rappelle, il y a des années où, vraiment, en fait, c'était beaucoup le Festival Québec BD qui générait des activités avec P9. Justement, on générait une série de spectacles. Cette année et l'année dernière, et de plus en plus, j'ai l'impression que les auteurs eux-mêmes se sont approprier justement l'idée du performatif en dessin et que de plus en plus de propositions qui viennent à ta porte directement de la part des auteurs qui disent ben ok, oui, je le fais, je me lance, je développe ce créneau-là aussi. Ben, il y a plein de choses qu'on a fait au cours des années parce qu'ils s'en faisaient du performatif avant nous, là, mais on a quand même permis à plusieurs auteurs, si je pense par exemple par la Ligue québécoise d'impro BD, de se mettre de l'avant sur scène puis de se découvrir peut-être un plaisir à être sur scène. Donc, et avec les concerts dessinés puis différentes choses qui ont été mises en place, ben, les gens se sont rendus compte qu'eux aussi peuvent le faire. Donc, c'est pour ça que cette année, il y a quelques propositions qui viennent directement d'auteurs qui nous ont dit, ben, on aimerait ça faire tel type de spectacle. Sinon, ben, c'est des choses que nous, on a développées, là, mais les auteurs, effectivement, se sont développés une expertise au même titre que nous. Donc, on essaie de collaborer avec eux là-dessus, là, pour développer des concepts. Oui, ben, éventuellement, dans le fond, de continuer à faire évoluer le festival qui, comme producteur, comme animateur, devient aussi diffuseur, dans le fond, de ces initiatives-là, les soutient différemment. Donc, encore là, on parlait d'évolution tantôt, mm-hmm. Ben, l'évolution du rôle qu'occupe le festival. Je parle d'évolution et d'enrichissement, dans le fond. Tu parlais de renouvellement tantôt, puis après tant d'années, si c'est toujours facile. Ben, la part des auteurs puis des autres créateurs qui veulent développer des concepts, c'est ce qui rend, justement, facilite la chose puis amène un renouveau intéressant. Et on parlait de renouveau d'emblée, en fait, première chose, évidemment, bon, on parlait des collectionneurs, des gens qui vont chasser des dédicaces. Évidemment, il y a toujours cet espace-là, en fait, pour ceux qui ont envie de rencontrer l'auteur par le biais de la dédicace, il y a des opportunités qui sont offertes. Oui. On parlera des auteurs présents tout à l'heure, mais en même temps, l'idée, c'est, et j'imagine que c'est le cas pour les gens qui nous écoutent, en fait, il y en a pour qui, oui, la dédicace, c'est un moment privilégié qu'on va chercher. Il y en a d'autres qui vont chercher d'autres types de rencontres avec les auteurs, d'autres types d'occasions. Et ça reste un beau défi aussi. Donc, au-delà du spectacle, au-delà de la dédicace, comment on crée des rencontres. Oui. Et entre autres, il y a une nouvelle série que tu lances cette année. En fait, c'est les 8 et 9 avril. 8 avril à la librairie Pantoute sur la rue Saint-Jean. Le 9 à la librairie Vaugeois sur Maguire, à Sillery, où on parle de votre libraire reçoit. Donc, une formule de rencontre plus... disons, plus convivial. C'est plus convivial, c'est vraiment détendu. L'idée, c'est de faire un apéro en librairie où les auteurs qui seront présents à Québec à ce moment-là, que ce soit des auteurs étrangers ou les auteurs de Québec, seront là et vous pouvez prendre un verre avec eux, discuter. Et donc, pas de dédicace, pas de présentation formelle. L'idée est vraiment de voir comment... C'est la première année qu'on le fait, mais voir comment le public est intéressé justement à discuter au-delà du peut-être 4-5 minutes que dure une dédicace, de voir des fois parler d'autres choses aussi, pas nécessairement de parler de bande dessinée, de se créer des relations temporaires, mais de courtes relations avec les auteurs, puis d'échanger avec eux, quitte à même avoir des recommandations de lecture de la part des auteurs, mais dans un contexte où ils peuvent aller prendre le livre puis vous le montrer. Et puis dans des contextes comme ça, ce que je me dis, c'est que des fois, on peut avoir une certaine gêne, mais si on se présente à des activités comme celle du 8 puis du 9 avril, ben on se dit que l'auteur, il est là pour faire des rencontres, il est là pour jaser, il se rend disponible, que donc si, moi je me dis, ah, je suis gêné, j'oserais pas parler, ben techniquement, l'auteur, il est là pour ça, il est là pour échanger avec des lecteurs, juste pas de dédicace. Exactement. Puis les libraires sur place, puis moi et d'autres personnes du festival seront là aussi pour agir un peu à titre d'entremetteur. Donc, si on voit que quelqu'un est un peu à l'écart, on pourra aller le chercher puis le présenter à un auteur pour amener les discussions. L'idée est pas que chacun soit dans son coin. L'idée est vraiment qu'il y ait un échange entre les gens. Et ça, c'est un bel essai, effectivement, d'amener d'autres types de dynamiques puis des éléments qui souvent sont plus pour les initiés, si on peut dire, donc dans les soirées des auteurs, dans les soirées des bénévoles du festival et autres, où là, on va retrouver ce métissage-là et de l'amener hors des coulisses, dans le fond, de l'événement, vers le public à deux occasions. Je trouve que l'idée est bonne, en fait, somme toute. C'est des apéros VIP pour le public. Exact. Et les auteurs, en fait, pour l'instant, sont pas annoncés, ceux qui vont être sur place, mais dans le fond, ça sera fait sous peu. Mais il y a des gens comme Abdel de Bruxelles, par exemple, qui est un auteur belge, qui sera là déjà. Éric Arnoux, qui sera sur place. José Marquez, l'auteur de Polynésie, qui sera là aussi. Donc, on va y aller vraiment selon les arrivages des auteurs. Et ça m'ouvre la porte justement vers les auteurs. Je pense qu'en fait, au fil de la discussion, on va aller et venir de divers éléments. Et entre autres, présence internationale, cette année, en fait, ce que je retiens particulièrement, c'est que vous restez au festival dans la variété des origines. Dans le fond, on a des gens de différents pays. Tu parlais d'un auteur polynésien. Vous avez des gens germano-japonais qui habitent en Angleterre, des Belges, des Français, des Italiens. Donc, on a plusieurs nationalités qui vont être présentes. Ben, c'est un peu l'avantage d'être là depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de faire des rencontres avec d'autres festivals ou d'autres organismes à l'extérieur de la France et de la Belgique qui sont intéressés à collaborer. Donc, on a développé différentes collaborations, notamment cette année avec le Lakes International Comics Art Festival, qui est peut-être un des plus gros festivals de bande dessinée de style européenne en Angleterre. Donc, il y a une auteure qui sera en résidence, qui est Mikiko, l'auteur donc germano-japonaise qui reste à Londres, dont tu parlais. On aura aussi Luke McGarry, qui est un auteur anglais de Manchester qui reste en Los Angeles. Donc, on y va pour la variété. Un auteur qui travaille avec Mad Magazine, entre autres. Donc, on sort du franco-belge, d'ailleurs, avec ces auteurs-là. Si on parle de la Polynésie française, ben c'est un auteur qui a des attaches à Québec et qui souhaite partir à un festival en Polynésie. Donc, il vient faire un tour ici, puis ça nous fait plaisir de le recevoir. On a aussi deux autres auteurs en résidence. Donc, Marc Renier, qui est un auteur qui était venu l'an dernier et qui revient nous visiter pour 2 mois cette fois-ci, donc en avril-mai, et qui va finaliser un projet dont une partie de l'histoire se déroule à Québec. Et il a aussi en tête de faire une collaboration québéco-belge avec un auteur de Québec, donc Philippe Girard. Et j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben c'est pas des noms nécessairement connus, archi-connus, si on peut dire. » Mais la notion de festival, c'est aussi une invitation à la découverte. C'est que tu vas chercher des auteurs à l'international, des coups de cœur pour diverses raisons et que tu nous les amènes, dans le fond, pour nous partager des lectures, des idées de lecture. Oui, ben, dans ma vision de la chose, le festival est une occasion de découverte. Donc, c'est certain que c'est toujours agréable de recevoir des pointures, mais c'est aussi très agréable de faire découvrir au public des auteurs qui valent vraiment la peine d'être découverts. On a des gens, je sais pas, ben, Abdel de Bruxelles, par exemple, qui est un auteur d'origine marocaine qui reste en Belgique. On y va aussi dans la variété. Donc, il a fait un album sur le conflit israélo-palestinien dans la Petite Bibliothèque du Savoir, donc une série de bandes dessinées documentaires. Donc, venez le rencontrer. C'est certain que lui, pas qu'il s'est battu une expertise par rapport à ce dossier-là, mais ça reste que c'est intéressant pour lui d'en parler. Puis, je pense que cette bande dessinée-là, entre autres, aborde un sujet qui est à peu près difficile à comprendre pour tout le monde quand on ne le vit pas au quotidien. Donc, lui, il va le démystifier à travers son album. Des gens comme Émilie Plateau, qui est une auteure qui était plus connue pour des choses peut-être plus alternatives et qui vient de sortir un album chez Dargo qui remporte un grand succès en Europe. C'est pas une auteure que vous connaissez nécessairement, mais ça vaut vraiment la peine de venir la rencontrer. Une auteure belge. On regarde au niveau français, ben Edmond Baudouin, qui est une pointure, vraiment une sommité dans la bande dessinée, si on veut, contemporaine en France. C'est peut-être lui qui a inspiré tout le groupe de l'association à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, vous aurez la chance de le rencontrer. Puis, il y a même une classe de maître qui est offerte par Première Ovation avec lui. Il y en a plein. Elodie Chanta, qui est encore là, faisait de la BD jeunesse, fait de la BD un peu plus alternative et qui vient de publier un album jeunesse à la Pastèque. Ben, c'est des gens qu'on est très heureux de recevoir et que vous pourrez découvrir. Tu sais, tu parles de pointure. On a quand même des gens comme HD qui fait Lucky Luke, Pierre Allary qui a fait multitude de séries, c'est la Scorée, entre autres, puis là, qui viennent d'adapter les romans de Serge Chalandon. Donc, tu sais, c'est très, très varié. Je parlais de résidence, mais on a aussi Sandra Cardona, qui est une auteure espagnole, donc de Barcelone, qui va venir faire une résidence numérique. Donc, elle va faire des démonstrations de création de bandes dessinées numériques en bibliothèque, donc du 4 au 14 avril, mais elle va être à Québec tout le mois d'avril. Et encore là, ça, c'est une collaboration avec l'Escola Josso, qui est une école de bande dessinée et d'animation à Barcelone. Barcelone qui est une ville littéraire de l'UNESCO comme Québec, donc ça se fait dans le cadre de ce partenariat-là également. Donc on va chercher différents auteurs, différents styles. L'idée c'est, et j'imagine que ça c'est toujours ton défi de programmateur, autant pour les auteurs internationaux que pour les auteurs québécois qu'on choisit d'inviter, c'est d'avoir une variété dans le fond, d'aller chercher dans le jeunesse autant que dans l'adulte, d'aller chercher dans différents styles de BD, dans différents genres, dans différents types de dessins, dans différents types d'influences, pour que tout le monde puisse avoir des belles rencontres, dans le fond, avoir des belles occasions de découverte. Effectivement. Mais au niveau des auteurs québécois, je vous dirais qu'on est un festival très accueillant. Donc, au niveau de la programmation, elle se montre vraiment avec les éditeurs et les auteurs qui ont une volonté d'être au festival. Mm-hmm. Parce qu'il y a ça aussi, faut vouloir être là pour faire des rencontres. Faut pas nécessairement venir par obligation. Donc, dans le cas des auteurs qui viennent, au niveau québécois, on a presque une centaine d'auteurs québécois cette année qui vont y être. C'est tous des gens qui ont vraiment le goût et l'envie de rencontrer le lecteur. Donc, c'est. Et comme tu dis, ben, ça va dans toutes les directions de ce qui se fait au Québec, autant de la BD documentaire que de la BD jeunesse. Parce qu'il y a un important contingent encore cette année au niveau de la bande dessinée jeunesse. C'est un style qui est quand même en grand développement au Québec actuellement. Puis de la bande dessinée de genre, des gens comme Jeff, Jacques Lamontagne, Denis Rodier aussi, qui s'est ajouté hier à la liste. Donc, on a quand même plusieurs personnes pour tous les genres et donc pour tous les goûts. Et donc, j'imagine, en fait, et je fais une parenthèse, tu parles de quoi? C'est une centaine d'auteurs et plus, dans le fond, 100 Québécois, 20, 30 internationaux. On a au-dessus de 120 auteurs total. Ouais. C'est de la gestion à faire aussi, ça doit être de la coordination. Quand on peut s'imaginer le délai, le travail, autant pour les invités, pour coordonner l'arrivée de tout le monde, pour coordonner les horaires, les activités, etc. Oui, mais j'ai l'avantage de ne pas faire ça nécessairement seul. Je veux dire, comme je dis, on travaille avec les éditeurs et les auteurs eux-mêmes. Donc, c'est de voir avec les éditeurs qui gèrent souvent eux-mêmes leur sélection d'auteurs. Donc, c'est pas moi qui m'occupe de l'horaire des transports de tout le monde, mais quand même, il y en a beaucoup. et en même temps, ça devient un peu aussi une valeur signature et c'est peut-être un peu quelque chose qui dans lequel on se met un peu de pression, dans la mesure où à chaque année, on atteint quand même ce 120-là. À chaque année, il y a quand même une très grosse présence d'auteurs québécois dans un contexte où, oui, il y a des auteurs BD à Québec, mais c'est pas la majorité des auteurs BD de la province non plus qui sont ici. Non. Donc, mais c'est l'avantage d'être simultanément avec le Salon du Livre au niveau de la présence des auteurs, parce que les auteurs vont signer au Salon du Livre. Ça permet d'encourager les éditeurs, les diffuseurs et tout ça à augmenter la présence d'auteurs de bande dessinée dans l'événement. Puis c'est un peu notre rôle qui est de faire la promotion de la bande dessinée, d'offrir une vitrine à la bande dessinée. Bien, ça se fait de concert avec les auteurs et diffuseurs, les éditeurs et diffuseurs qui aident à augmenter le contingent d'auteurs là, pour le festival. Et au niveau des activités, en fait, tu as ouvert quelques parenthèses tantôt. Je pense qu'on peut les développer un petit peu aussi. Dans le fond, deux classes de maîtres, une avec Luke McGarry, l'autre avec Edmond Beaudoin. Ça, c'est destiné aux auteurs de la relève. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent en BD, on peut s'inscrire, nombre de places limitées, etc. Oui, qui travaillent en BD ou qui s'intéressent à la création en bande dessinée. Je ne veux pas être fermé non plus aux jeunes de 35 ans et moins qui ont déjà un album ou quelque chose comme ça. On parle vraiment de gens qui ont un intérêt pour la bande dessinée. C'est sûr que la classe de maître, par exemple, d'Edmond Beaudoin étant soutenue par Première Ovation, il y a une priorité qui est donnée aux auteurs de 35 ans et moins. Cela dit, envoyez-nous un courriel et on trouve toujours la façon de faire de la place, là. Pour pouvoir permettre aux gens d'en profiter. Et sur Edmond Beaudoin, d'ailleurs, on mentionne aussi, si on n'a pas nécessairement possibilité pour la classe de maître, ben Michel Giguère, qu'on connaît bien ici à l'émission, reçoit Edmond en entrevue devant public avec analyse et le reste dans le cadre des rendez-vous de la BD le mercredi 10 avril. Exactement. Puis c'est deux choses complètement différentes où les rendez-vous de la bande dessinée, vraiment, Michel a fait toujours un important travail de recherche pour faire un récapitulatif de la carrière de l'auteur. Souvent, l'auteur en sort enchanté, d'ailleurs. Tandis que pour la classe de maître, ça va vraiment être une présentation de la part d'Edmond Beaudoin qui va présenter son parcours, mais surtout les dessous de sa création, ce qui sera peut-être moins abordé au niveau du rendez-vous de la bande dessinée. Mais aussi, Edmond Beaudoin, la classe de maître se déroule en trois parties. Donc, il y a la présentation plus formelle de la part d'Edmond Beaudoin. Il y aura aussi des rendez-vous, des rencontres personnalisées avec Edmond Beaudoin pour les gens qui voudront se faire évaluer leur portfolio, discuter de sujets peut-être plus précis. Et il y aura le samedi 13, en après-midi, et le dimanche en après-midi au Musée des Beaux-Arts. Donc, c'est du dessin dans les salles avec Edmond Baudouin. Donc, les gens qui voudront se joindre à lui pour faire des croquis, dessiner un peu, ben, ils vont pouvoir le faire avec lui, avoir des commentaires en cours de route et tout. Donc, je pense que c'est très stimulant pour les auteurs émergents ou jeunes auteurs. Mais surtout, en fait, je veux dire, en termes d'expertise, tu parlais de pointure, je pense qu'effectivement, dans ce cas-ci, ça reste, c'est un monstre de la BD alternative européenne. Si les gens ne le connaissent pas, il faut absolument se documenter sur cet auteur-là qui a des œuvres absolument sublimes aussi, en plus, et qui est un grand communicateur, un passionné de la bande dessinée également. Il a été professeur à l'Université du Québec en Outaouais pendant 2 ans, je crois, avant Jean-Louis Tripp. Donc, dans les deux premières cohortes de Luco en bande dessinée, le professeur invité était Edmond Baudouin. Donc, c'est quelqu'un qui a une facilité de transmettre sa passion et son savoir sur la bande dessinée. Là. Et Luke McGarry, formule différente ou similaire? Ben, c'est pas le même genre. Si on parle d'Edmond Baudouin, qui est plus un artiste alternatif, qui a une production, il fait des spectacles avec la danse, le dessin en direct et tout. Luke McGarry, c'est quelqu'un qui est installé à LA, qui est un des illustrateurs les plus en demande. Il fait des posters pour Coachella, puis différents événements. C'est un autre monde. Lui, il va vraiment être là pour montrer un peu comment, à travers sa production, il a réussi à mettre en valeur sa production sur le net, entre autres. Il a fait des choses comme Sad Chewy, qui est devenu un petit phénomène sur Internet avec beaucoup, beaucoup de partage. Donc, de voir son expertise à lui par rapport à comment se faire voir en tant qu'auteur. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Il n'y a pas qu'un aspect plus commercial, mais il y a un aspect vraiment plus promotionnel dans ce que Luke McGarry a fait. Luke McGarry, qui est dans un duo de musique aussi pop noir, on y reviendra tantôt, mais donc il a vraiment allié musique, dessin, bande dessinée, il a réussi à rentrer dans des magazines pour faire des strips hebdomadaires, être dans Mad Magazine et tout. Donc c'est de voir un peu son parcours par rapport à ça aussi, parce que c'est deux choses complètement différentes à mes yeux, mais qui se valent et qui peuvent intéresser un public soit similaire ou même totalement différent. Là. Et tu ouvres la porte sur Pop Noir. Je pense qu'on va l'ouvrir tout de suite. En fait, il y a les soirées du festival, évidemment, exact. Des activités à peu près tous les soirs. On parlait de votre libraire reçoit le 8-9, le 10. Donc, on l'a mentionné, c'est les rendez-vous de la BD avec Michel Giguère qui reçoit Edmond Baudouin. Et si on saute quelques jours et on va vers le 13 avril. Le dernier spectacle, c'est Pop Noir. En fait, c'est comme la grosse boom du festival au musée avec. Exactement. Ben, c'est la soirée électro-BD, dans le fond, qui se déroule le samedi soir. Puis c'est une soirée qui va être en 3 parties. La troisième n'étant pas annoncée, on va pouvoir en parler. Mais dès 20h, il y aura une prestation d'un artiste illustrateur qui est en résidence à la bande vidéo, donc qui va faire une présentation de VJing de 20h à 21h. Par la suite, on a un spectacle avec Millimétrique, Paul Bordolo et Richard Valran, donc qui se nomme « Elle cherchait son Eldorado ». On part de la musique de Millimétrique avec du dessin en direct de la part de Richard Valran et Paul Bordolo, une espèce de road trip vraiment un peu hallucinant. Ça va être hallucinogène aussi, pour dire. Puis ça va être une présentation à peu près d'une heure et quart. Puis après ça, c'est Pop Noir, donc un duo de jumeaux de Manchester. Donc, Joe et Luke McGarry qui viennent faire un DJ set, si on veut, pour la soirée. Puis c'est une soirée qui se veut aussi la fête de la littérature ce soir-là, donc présentée en collaboration avec l'Association nationale des éditeurs du livre du Québec, donc l'ANEL. Donc ça sera vraiment la boum de la fin de semaine. Donc si on cherche une occasion en dehors du salon, en dehors des rencontres pour aller rencontrer justement et croiser les auteurs, que ce soit BD ou au-delà, ben ça peut être un beau rendez-vous. Ce sera le samedi, puis c'est gratuit. En bonus, c'est dans le grand hall du Musée de la Civilisation, donc il y a de la place en masse en plus. Exactement. Et donc ça, c'est la soirée du samedi, puisqu'on est dans les soirées, et peut-être avant de... Allons-y à rebours. À ce moment-là, le vendredi, on débute à 19h avec la remise des prix BD Scosa, donc de 19h à 20h. On aura 8 prix cette année. Ben, tu en as probablement parlé lors d'une précédente émission, mais 8 prix qui vont être remis cette année. Et s'ensuit après ça le grand tournoi d'impro BD. Donc encore là, un rendez-vous annuel qui est toujours très prisé. Une prestation d'impro BD avec des dessinateur, comédien, musicien, commentateur cette année. Et c'est toujours très drôle, puis tout le monde a beaucoup de plaisir à le faire, donc ça se ressent pour la foule. Et une belle présence d'auteurs internationaux, d'ailleurs, aussi, dans le contexte d'Impro BD. Donc, une occasion de soit de découvrir des auteurs dans un contexte pas évident, ou de voir des auteurs qu'on a découverts sous d'autres plateformes et voir comment ils réussissent à s'approprier le médium sur scène. Exact. Puis c'est toujours aussi, on parlait de rencontres, c'est aussi l'idée d'amener les auteurs en visite à rencontrer les auteurs québécois, donc les faire travailler avec des auteurs locaux et de leur faire une rencontre avec nos concepts aussi. Donc, des fois, ça fait des petits, non? On le disait tantôt, on y va à rebours. Donc le samedi, c'est la Boom soirée électro BD, 3 volets, belle variété dans la soirée. Le vendredi, l'impro BD et la remise des prix BDIS Causa. Et le jeudi, là, en fait, t'avais ouvert la porte un peu tout à l'heure, Thomas-Louis Côté, c'est une soirée poésie et BD. Exactement. Donc c'est Planche de verre, qui est un spectacle original qu'on crée cette année, qui va regrouper 2 dessinateurs. Julien Dallaire-Charret et Vicky Fortin, et 2 poètes de la relève également, Éric Leblanc, Vanessa Bell, le tout accompagné par des coachs, Mireille Gagné et Paul Bordelot, et aussi en musique. Donc c'est une soirée qui va être chorégraphiée, mais avec beaucoup de moments spontanés également, où on va amener... C'est un peu sur un peu des choses qu'on a fait, par exemple, en impro BD, mais d'amener la poésie à influencer le dessin. Le dessin à influencer la poésie. Donc, le dessin peut amener soit des poèmes spontanés ou influencer les poètes à fouiller dans leur bagage, dans leur connaissance de la poésie pour aller chercher des poèmes connus ou non, ou de leurs poèmes à eux pour les rendre. Et ça va être une soirée festive. J'ai bien hâte de voir... Le résultat de ce concept-là qu'on peaufine tranquillement depuis quelques semaines. Et effectivement, parce que c'est toujours un défi de trouver des métissages, mais avec la poésie, comme on est dans un langage qui parle beaucoup d'émotions, ben nécessairement dans l'illustration, il y a des éléments qu'on peut aller chercher qui peuvent être assez riches, là. Oui, puis je veux dire, il y a aussi le geste de dessiner, il y a plein de choses qu'on peut exploiter, et c'est pas une compétition, donc ça va être collaboratif avec tous les participants, donc tout le monde va y mettre du sien, là. Et dans le registre aussi de concepts qui reviennent, entre autres, il y a la sieste dessinée. Tu avais fait une introduction avec ça l'an dernier. C'était Paul Bordelot et Frédéric Brunet à la Maison pour la danse de Québec. Et là, c'est Frédéric Brunet et Catherine Lemieux. Donc, sieste dessinée, donc l'idée, c'est d'aller relaxer. Rappelle-nous le contexte, hein, mais c'est du dessin sur le plafond. Là, c'est à peu près. Dans le fond, c'est qu'on a voulu l'an dernier créer 2 moments le dimanche de relaxation, une petite journée plus tranquille pour tout le monde, qui est agréable, et même pour nous, parce qu'après avoir fait un marathon pour la préparation du festival, c'est 2 activités, donc très dense et la sieste dessinée, qui permettent de se poser pendant une journée et d'être relativement tranquille. Très dense, ben c'est une séance de modèle vivant avec des danseurs de la Maison pour la danse, donc Josiane Bernier et un danseur invité qui vont venir prendre des pauses, et les gens sont invités à venir, jeunes et moins jeunes, à venir dessiner et vraiment. Donc ça, c'est une activité qui est présentée avec les sketchers de Québec. Et je fais une parenthèse sur des activités comme ça. Mettons que moi, je dessine pas de manière professionnelle, mais je m'essaye, j'ai des enfants qui dessinent. Est-ce qu'on peut venir simplement essayer et profiter de l'occasion pour, ou il faut quand même avoir une certaine aptitude? C'est l'occasion pour ne pas avoir de gêne. Venez faire un tour, essayez-vous. Le pire qui peut arriver, c'est que certaines personnes vous donnent des conseils pour vous améliorer ou des trucs pour essayer de mieux dessiner, mais en même temps, vous pouvez rester dans votre coin, faire ce que vous voulez en termes de dessin, ou regarder les gens dessiner aussi, ou prendre un café, parce qu'on servira du café le dimanche matin. Donc c'est ouvert à tous, puis c'est vraiment pas des activités qui sont faites pour l'initier, si on veut. C'est vraiment ouvert à tous. Comme je disais, l'an dernier, on avait des gens qui sont venus en famille, les enfants ont adoré. Donc, et les parents qui viennent pour accompagner leurs enfants qui dessinent se prêtent au jeu à certains moments, et c'est ça ce qui est intéressant. Oui, puis en fait, c'est une opportunité d'expérimenter dans un autre contexte qu'un bricolage à la maison, exemple, ou des cours à l'école. Donc... Exact. Puis c'est de voir, tu sais, je repense à l'an dernier où les enfants étaient curieux de voir les autres dessiner aussi. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dessiner mieux que d'autres. Donc les enfants vont voir, sont curieux, apprécient le dessin, posent des questions. Fait qu'il y a vraiment un échange entre le public aussi. Et donc, ça, ensuite, ça, il y a en la avant-midi. Sieste. Ça, c'est en après-midi. C'est on la a sieste. La sieste dessinée. Donc, encore là, on parlait plutôt de concepts qu'on aime voir revenir pour essayer de les amener un peu ailleurs. On a eu un beau succès l'an dernier. Je crois que c'est un événement qui en mérite un peu plus cette année encore. La sieste dessinée, c'est vraiment un moment de repos. On veut que les gens viennent regarder un dessin. On invite les gens à arriver avec leur matelas de yoga. Il y a une musique douce, des dessins planants et les gens peuvent se laisser dormir s'ils le veulent. C'est vraiment un peu le concept de la sieste. Et on le fait à une heure où souvent les enfants font la sieste. Donc les familles qui ont des jeunes enfants sont bienvenues avec leurs enfants pour qu'ils profitent de ce petit moment de repos et de faire une sieste en public. On apporte des coussins, des matelas? Oui, bien sur place, il y a déjà quelques fauteuils et comme je disais, on invite les gens à arriver avec leur matelas de yoga, ou mieux s'ils le veulent, mais à la base, un matelas de yoga, ça peut très bien faire. Et tu parlais de la collaboration avec les Sketchers de Québec. Donc, autant le dimanche 7, on peut aller dessiner avec eux et avec d'autres dans le contexte de l'activité à la Maison de la danse, mais la veille au soir, il y a retour aussi d'une soirée burlesque et dessin en direct qui avait été lancée l'an dernier, exact. Donc qui revient pour ouvrir à nouveau le festival. Et encore dans un contexte participatif, dans un contexte où on invite les gens à pas seulement regarder, mais à participer aussi. Donc, c'est une soirée sans enfants, je vous dirais. On l'annonce 18 là-dessus, ans et oui, plus. Effectivement. Mais c'est une soirée de burlesque, donc avec des numéros de burlesque où il va y avoir des dessinateurs du Québec et d'ailleurs qui vont être là pour faire du dessin en direct et croquer sur le vif certains numéros. En même temps, comme tu le dis, il y a le public qui va être intéressé à s'y joindre. Puis les Sketchers de Québec vont être là pour animer la chose et donner des défis de dessin, par exemple, puis réserver des moments pour le public et pour qu'eux puissent dessiner, là. Donc, c'est vraiment une formule ouverte, participative, et on va chercher, dans le fond, avec ça, les artistes burlesques, souvent des artistes de Québec. Donc, il y a des numéros aussi à travers ça. Donc, c'est l'équilibre. C'est une soirée festive. Ouais. C'était à la chapelle du Musée de l'Amérique française. On rend ça très festif, joyeux. Il y a des numéros originaux. La thématique reste bande dessinée, même pour les numéros de burlesque. Et comme tu dis, il y a des gens de Québec, des gens de Montréal qui vont venir en faire. Donc, ça vaut la peine de venir voir ça. Et parallèlement, enfin, on se reporte à la fin de semaine d'après. Donc, on a beaucoup ouvert les soirées, mais je pense qu'on découvre à t'entendre qu'il y a aussi beaucoup d'éléments en dehors des soirées, en journée, où à partir de 17h30, exemple, le 13 à la Maison de la littérature, l'an dernier, vous aviez offert des lectures de bande dessinée. Cette année, on revient avec la formule et cette fois-ci, c'est Motel Galactique qui est proposé en lecture. Oui, Motel Galactique qui est une création qu'on fait cette année, la mise en lecture par Geneviève Boivin, Sébastien Dorval, mise en lecture d'Élodie Cuneau. C'est un spectacle qu'on crée pour une présentation la semaine prochaine, dans le fond, le 22 mars, à la maison Étienne Lacombe, près de Joliette. Donc, on va en faire une première prestation là. D'ailleurs, je vous invite, c'est gratuit si vous écoutez La Vie en BD et que vous êtes de la région de Montréal, voire Joliette. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour ça. Et c'est un spectacle, une mise en lecture qu'on reprend à Québec, donc le 13 avril, à Maison de la littérature. C'est le premier tome, si on veut, de Motel Galactique de Pierre Bouchard et Francis Desharnais qu'on rend sur scène, sans images, mais vraiment pour mettre en valeur le scénario de Francis Desharnais. Alors ça, c'est des beaux défis, évidemment, pour réussir à rendre ce qui est dessiné, ce qu'on lit, de le rendre verbalement. Alors, chaque metteur en scène, metteur en lecture a un peu des approches différentes, là. Oui, mais ça reste une bande dessinée qui est très visuelle, avec des dialogues savoureux, des descriptifs savoureux aussi. Donc, avec les comédiens, ça va vraiment, pour le peu que j'en ai vu jusqu'à maintenant, mais dans la préparation de la mise en lecture, c'est vraiment, ça va être vraiment drôle. Et c'est gratuit encore là, donc il n'y a pas de raison de ne pas venir. Et parallèlement, en fait, si je termine sur le volet activité hors salon du livre en termes d'événements, entre autres, il y a aussi au domaine Maizeray une fin de semaine d'activité familiale, dans le fond, les 13 et 14 avril de 10h à 15h. Donc, un peu de relâche dessinée, là, si on peut dire. Bien, la journée du 13 avril est très occupée. On est dans différents lieux. Donc, comme tu le dis, au domaine Maizeray, il y a des ateliers pour la famille, dans le fond, des ateliers pour apprendre à faire des bandes dessinées, à créer des personnages, donc en avant-midi et en après-midi. On a aussi, pour les gens de Charlebourg, un atelier avec José Marquez, donc l'auteur de Polynésien, à 10h au Moulin des Jésuites. On a aussi un atelier en fin de journée, donc à 16h au Tori Izakaya sur la rue Saint-Joseph avec Nunumi. Et on a aussi une activité qui est pas dans le programme que tu as en main, que je t'annonce en primeur aujourd'hui. On organise une rencontre pour les 25 ans du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc au Musée national des beaux-arts, avec HD et Alexa. Une rencontre exclusive où on va vraiment amener les auteurs à discuter entre eux de leur expérience respective au niveau de la bande dessinée jeunesse, de leur parcours. Donc, ça va être quelque chose de vraiment intéressant et qui diffère beaucoup des autres activités qu'Alexa peut offrir, qui sont souvent des démonstrations puis des ateliers. Alexa qui va aussi offrir au Domaine Mézeray le dimanche un atelier, donc à 10h, pour le public, que ce soit jeune ou moins jeune. C'est vraiment deux activités à ne pas manquer. Et en plus de ça, pendant cette fin de semaine-là, vous êtes aussi, si je ne me trompe pas, le dimanche, je parlais du Musée national des beaux-arts, vous y êtes aussi pour du dessin direct, là. Comme à l'habitude, c'est pratiquement une tradition, là. Oui, bien ça, c'est un moment de calme qu'on offre aux auteurs. L'idée est d'aller dessiner en salle au musée des dessins qui seront par la suite exposés pendant deux semaines au Musée des beaux-arts. Mais pour les auteurs qui y participent, c'est toujours un petit moment de tranquillité après souvent plusieurs jours très occupés avec le salon, le festival et tout. Donc, ils vont dessiner pendant deux heures tranquille avec un autre auteur. Donc, ils ont le temps de discuter un peu. Et c'est vraiment très agréable. Et le public est invité à ce moment-là à aller les voir et à aller voir un peu leur méthode et à discuter avec eux. Encore là, les auteurs ne mordent pas. Vous pouvez prendre toutes les occasions possibles pour leur poser des questions, les rencontrer. Ils sont très heureux de vous parler. Et parallèlement, en fait, tu as amené un point intéressant aussi dans la mesure où, je pense, quand on décrit les lieux, on se rencontre en creusant un peu dans la programmation qu'à chaque année, j'ai l'impression que tu élargis le territoire du festival Thomas Louis Côté, où il y a le Salon du Livre qui est peut-être la partie la plus visible parce que le Salon du Livre draine énormément de gens, où il y a des animations, il y a des dédicaces. Mais après ça, ben oui, on est dans Saint-Jean-Baptiste, on est dans le Vieux-Québec, on est dans le Vieux-Port, on déborde, on s'en va pratiquement jusqu'à Charlebourg, justement. Et Val-Bélair. Ça fait quelques années, dans le fond, qu'on essaie de... Surtout via le réseau des bibliothèques qui nous permet d'aller rejoindre des publics aux quatre coins de la ville, là, d'être dans à peu près tous les arrondissements. Donc, c'est encore le cas cette année. Si on parle, par exemple, d'activités, je disais plutôt Sandra Cardona, l'auteur espagnol, sera en résidence numérique du 4 au 14, ben elle va aller faire la bibliothèque Félix Leclerc à Val-Bélair, elle va être à Gabriel Roy, elle sera à Charlebourg, elle va se promener partout. Donc encore là, vous allez être sensibilisé à la bande dessinée à différents moments, à différents endroits, mais partout dans la ville. Et par le biais des expositions aussi, j'ai l'impression que c'est l'élément avec lequel on risque le plus de tomber par hasard, un peu sur de la bande dessinée, où il y a des endroits que ça sera très visible. Je pense à la rue Saint-Jean, par exemple, sur la clôture du cimetière Saint-Matthews. Mais encore là, on va aux quatre coins de la ville avec différentes expositions. T'en as combien cette année, à peu près? 23, 24, quelque chose comme ça. On se maintient dans ces eaux-là depuis quelques années. L'idée est de maintenir les partenariats qu'on a, par exemple, avec des gens comme la brûlerie, donc brûlerie Limoilou, Vieux Limoilou, on est aussi dans la brûlerie Saint-Jean, on est au Café d'Alice, donc encore là dans Limoilou, mais dans le réseau des bibliothèques, on a 6 expositions, donc à la bibliothèque Claire-Martin dans Saint-Jean-Baptiste avec Orbi, son album La Corde à linge, on a une exposition sur Jimmy Beaulieu, donc à Monique Corriveau, Leftande qui est dans Vanier. Un retour, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans la sphère BD. C'est un très beau retour. Il revient par la grande porte avec un album chez Glénat Québec avec Redemption, donc un album western à découvrir. Donc, on est très content. On a aussi Bouboule, une œuvre retrouvée d'Albert Chartier. Et ça, c'est majeur, en fait, d'ailleurs. Ben, c'est un projet de passionné. Hein. C'est les gens de Moelle Graphique qui ont décidé de ressortir la première série d'Albert Chartier, de la restaurer à partir des coupures récupérées chez un collectionneur et d'en faire un album. Donc, nous, c'est un grand plaisir de pouvoir montrer le travail qu'il y a derrière cet album-là et de faire découvrir la série en plus de peut-être faire connaître un peu plus Albert Chartier. Parce qu'on a quand même, au niveau de la BD historique, dans notre événement, on a une exposition majeure qui est une exposition qui sera présentée au Musée de la Civilisation, oui, du 4 avril au 19 mai. Donc, BD, moment fort du 9e art québécois. C'est, si on veut, une version 3.0 de l'exposition 25 moments importants de la bande dessinée québécoise qu'on a fait. Donc, c'est une version muséale de cette expo-là, avec un gros travail de mise à jour au niveau des textes, au niveau des visuels, et c'est une expo qui regroupera aussi une foule d'originaux. Je pense que le plus vieux qu'on a, c'est 1895 jusqu'à aujourd'hui, avec des pièces rares et des pièces qu'on voit pas souvent non plus, des choses comme Henriette Valium, Julie Doucet, Guy Delisle, tout le monde va être dans cette exposition-là. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est l'histoire. Parce qu'on avait vu les panneaux, entre autres, je parlais de la rue Saint-Jean, ils étaient là, je pense que c'est l'an dernier ou l'année d'avant. Donc, il y avait une présence. Et donc là, on développe, on enrichit ça, où on se dit, ben oui, c'est on partage l'histoire, mais là, on va aller au-delà de la partager, on va la montrer. Exact. Et tu disais, dans le fond, d'une mise en scène muséale, c'est dans le fond qu'on va la mettre en espace aussi, cette histoire-là. Oui, oui, oui. Puis c'est, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup de pièces originaux. Je pense qu'il y a 85 originaux ou des albums très, très rares, là. Je pense, par exemple, à des choses comme Les Deux Petits Nains, un album dont la copie qu'on monte existe en 100 exemplaires ou quelque chose comme ça, ça date des années 40. Donc, le musée a vraiment travaillé vraiment fort, puis on a eu un grand plaisir à les aider là-dessus pour rendre cette exposition-là où elle l'est et où vous pourrez la voir. Et pour ceux qui auront vu la version itinérante qu'on a fait, qu'on a présentée à différents endroits, on est vraiment ailleurs là, avec cette exposition-là. Et donc, ça veut dire que côté préparation, il a fallu aller chercher des images d'archives, aller faire des ententes. Il y a un beau travail de préparation. Il y a eu un grand plaisir à aller fouiller, à aller rencontrer des collectionneurs ou des auteurs pour aller récupérer des pièces. Mais ça permet, c'est ça, comme tu dis, d'avoir vraiment de belles choses à voir. Là. Et ça ouvre d'ailleurs, en fait, c'est des dates élargies, donc du 2 avril au 19 mai. Et donc, il y aura le lancement, si on peut dire, le vernissage de cette exposition-là, c'est pendant le festival. Le vernissage comme tel, le lancement a lieu le 2 avril en avant-midi, mais il y aura une visite en fin de soirée le vendredi, donc du festival le 12. Donc, d'autres occasions d'aller chercher ça. Et Thomas-Louis, dans le fond, toujours dans les expositions, j'imagine que le défi, c'est de choisir, d'essayer de voir qu'est-ce qui se prête bien à différents lieux, qu'est-ce qui se prête bien à un format de visionnement aussi où on se retrouve en face-à-face avec la planche, avec des extraits d'œuvres, etc. Des Donc, il y a quand même une belle mécanique des là-dedans. Des panoramas, parce qu'il y a des... on essaie de montrer des nouvelles œuvres, par exemple, 5 endroits les plus hantés du Québec que t'as sûrement, dont tu as sûrement parlé ici. Oui, la semaine prochaine, en fait, viens avec nous. Ah, OK, parfait. Donc, on fait une présentation de ce projet-là et des choses plus rétrospectives. Je parlais de Jimmy Beaulieu tantôt ou Left Hand. Ce seront des choses qui vont montrer différentes facettes de ces auteurs-là. On a des choses très originales comme Bach et Bottine. Donc, une exposition où on a travaillé avec Bach pour qu'elle nous démontre son amour du soulier, parce qu'elle a vraiment un amour de la chaussure, ou des choses comme C'est-tu légal, ça? C'est une exposition qui a été présentée au Cheval Blanc l'an dernier, montée par les éditions Trip, où on a 30 illustrateurs différents qui ont imaginé des étiquettes pour des produits du cannabis. Donc là, c'était des bières à une certaine époque, et là, on est rendu à une autre étape. Et donc, en fait, c'est, j'imagine que ça doit être un beau casse-tête, justement, de monter ça. Tu parlais de partenariat, ben justement, d'avoir des lieux d'exposition, d'avoir des partenaires, d'aller chercher des auteurs, des éditeurs, d'aller... Donc, je pense que quand on parle de la programmation, qu'on rentre dans le détail, au-delà du site web, au-delà du journal, du festival, ben qu'on découvre l'ampleur de ce qui est mis en œuvre là-dessus. Ouais. Parce que, dans le fond, ce que tu livres en avril, du 4, essentiellement, on pourrait dire du 2 au 12, ouais. Si on y va sur 10 jours avec l'ouverture de l'exposition au Musée de la Civilisation, ben 6 au 14. 6 au 14. Enfin, jouons sur les dates un peu. Mais dans le fond, c'est une année de travail pour toi, voir au-delà, justement, pour bâtir ces éléments-là, bâtir les liens, etc. Oui, etc. Puis ça reste... on est dans le goulot actuellement où tout doit être livré, toutes les dates sont calées, on sait quand ça va être accroché sur les murs. Donc maintenant, on travaille sans compter les heures là, pour mettre ça en place. Là. Et puis pour réussir à arriver, pour réussir à proposer ces rencontres-là aux auteurs. Et j'aime bien, en fait, parce que je trouve important, et je le rementionne, en fait, de parler plus longuement de tout ce qui est à l'extérieur du salon, parce que c'est restrictif de simplement limiter le festival au salon. Je pense qu'on se rend bien compte que vous êtes beaucoup plus. Mais le salon reste quand même une clé de voûte de l'événement, parce que c'est là que toute la dédicace se fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de rencontres et de productions scéniques. Ouais. Au-delà de la dédicace, disons, c'est plus... parce que, comme je disais, la dédicace, ça sera toujours là. Il y a des auteurs qui aiment beaucoup en faire. Il y a des éditeurs ou des diffuseurs qui aiment beaucoup que leurs auteurs en font. Nous, ce qu'on amène, c'est vraiment au niveau de l'animation, des rencontres, des discussions. Donc, on a plus de 100 animations au Salon du Livre dans nos deux espaces, que ce soit des rencontres d'auteurs, des tables rondes ou des animations jeunesse. Donc, le Salon du Livre, c'est 70 000 visiteurs quand même intéressés par la lecture qui viennent. On parle de 28 000 jeunes, je crois. Donc, pour nous, c'est certain que c'est un beau public à solliciter et à les exposer à la bande dessinée. Là. Et donc, l'idée, c'est de trouver les bonnes manières, parce que j'imagine aussi, tu disais, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes associé au Salon du Livre comme festival. Donc, vous finissez par savoir aussi les formules, les rencontres, les moments. Quelle formule pour quel moment, finalement? Oui. Mais l'idée, c'est aussi, par exemple, du mercredi au vendredi, c'est beaucoup des groupes scolaires. Donc, il y a beaucoup plus d'animation jeunesse à ce moment-là. Et les rencontres d'auteurs qu'on présente durant cette période-là sont souvent rattachées à des groupes qui viennent. Donc, des ententes qui sont prises d'avance. Au niveau du week-end, ben là, on impose un petit peu plus nos volontés en mettant une série de rencontres, des tables rondes, puis en profitant des nombreux auteurs qui sont présents à ce moment-là pour justement amener le public à les découvrir. Parce que c'est une chose d'aller voir les auteurs qu'on aime puis les entendre parler, mais j'aimerais beaucoup que les gens soient curieux et qu'ils viennent vraiment découvrir des auteurs qu'ils ne connaissent pas. Et il va y avoir des entretiens d'à peu près 20 minutes, 25 minutes avec des animateurs professionnels qui vont être là pour vraiment faire ressortir les éléments intéressants de la carrière ou des créations des auteurs. Donc, en étant là, vous allez vraiment découvrir de belles choses. Et pour en avoir fait beaucoup d'animations dans un contexte de Salon du Livre, je pense que faut pas que les gens sous-estiment l'intérêt de ces rencontres-là. Au contraire, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a trop peu de gens pour la qualité des discussions et vers où on réussit à amener les auteurs, parce qu'on retrouve des gens qui ont envie de communiquer leur lecture, qui sont là pour la communiquer. Et dans le fond, moi, j'aurais tendance à dire aux gens, si vous prévoyez venir au Salon du Livre, d'aller voir la programmation qui est proposée au niveau des rencontres et d'essayer justement de choisir votre moment aussi en fonction de ces rencontres-là et des tables rondes que tu proposes. Parce que je sens, et je regardais un peu la programmation des animations, tu t'amuses aussi avec des sujets de table ronde, des rencontres que tu proposes de deux auteurs où tu dis, ben, j'aimerais ça qu'ils passent 20 minutes ensemble. Ben, des fois, il y a des auteurs qui ont des sujets qui se rejoignent. Par exemple, on a le renouveau agricole au Québec et il y a deux auteurs, donc... c'est le Mardelet et Bourdillon qui ont chacun sorti dans la dernière année deux albums qui traitent de sujets qui se ressemblent. Donc, c'est intéressant de les entendre sur leur point de vue sur la chose. Mais des fois, ça peut être sur d'autres choses. L'influence du manga dans le 9e art d'aujourd'hui, donc des auteurs qu'on sait qui sont influencés par le manga, de voir qu'est-ce qui les a influencés là-dedans, qu'est-ce qu'ils aiment dans le manga. Ce type de discussions-là, à mon sens, ils sont très intéressants. Puis ça permet de découvrir plusieurs auteurs du même coup. Là. Et les auteurs eux-mêmes, j'imagine, sont réceptifs à ce type de proposition-là, justement, qui les sortent un peu, entre guillemets, de l'ordinaire? Bien, il y a plusieurs auteurs qui sont des fois mal à l'aise de parler uniquement de leur travail, donc ça leur permet de mettre en valeur leur création, leur production dans des discussions communes. Alors ça, c'est à surveiller du côté du Salon du Livre et avec toujours aussi des kiosques d'animation de portions plus BD aussi et les kiosques qui sont aussi à travers fresque, du reste. Dans l'espace création de la Fabrique culturelle. Qui fait les fresques cette année? Ce sera les auteurs en visite. Donc on aura plusieurs auteurs, des gens comme Luke McGarry, Edmond Baudouin et autres qui vont passer faire un tour. Donc il n'y aura pas une attache pour un auteur durant 5 jours. Ce sera vraiment à chaque jour un auteur différent qui aura un bloc d'heures pour présenter et s'amuser à faire une grande flerce. Encore là, c'est un lieu de rencontre, c'est pas un lieu nécessairement uniquement d'observation. Donc les gens qui sont là sont invités à aller discuter avec les auteurs et on aura une table et des chaises sur place pour que les gens puissent se poser un moment. Mais on veut pas, encore là, que ce soit un espace de dédicace. On veut vraiment que ce soit un endroit où les gens apprécient voir les auteurs dessiner et discuter avec eux. Là. Oui, mais en fait, dans l'optique justement d'enrichir, d'élargir le spectre de la rencontre au-delà de la dédicace, donc d'assister à des rencontres, d'aller voir des artistes à l'œuvre. On n'a pas pu se déplacer aux événements à la Maison pour la danse ou ailleurs, ben on peut voir des artistes à l'œuvre dans ce contexte-là. Et également avec carrément une scène qui est entièrement dédiée à des artistes à l'œuvre, littéralement, donc à chaque demi-heure où on peut voir... Le week-end à l'atelier BD où depuis quelques années on fait ça. Donc on invite les auteurs québécois ou étrangers à venir faire un dessin. 30 minutes où ils peuvent faire le dessin qu'ils veulent, en faire plusieurs, en faire un bout, travailler sur une planche et tout. L'idée, c'est que le public voit les dessinateurs dessiner et souvent, ça amène des gens à découvrir des auteurs, à s'intéresser, à tomber en amour avec le dessin d'un auteur et au final, à aller voir le livre de ces gens-là. Parce que c'est ça l'idée. On revient un peu, on a fait la boucle, j'ai l'impression, on revient à l'idée de départ. Un festival, c'est pour découvrir. T'as fait des choix de gens, les éditeurs ont fait des choix de gens avec toi. Et donc, c'est une occasion soit de rencontrer des auteurs qu'on connaît, mais peut-être surtout aussi d'aller découvrir des auteurs qu'on connaît pas, qui sont passés par différents choix éditoriaux et qui nous sont proposés pour justement qu'on ait l'occasion de les découvrir et de varier nos lectures, d'enrichir et de continuer à explorer la BD. Oui, puis si, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'auditeur aujourd'hui qui n'est pas un amateur de bande dessinée, mais ce qu'on inviterait les gens à faire, c'est trouver quelqu'un qui ne l'est pas et demander lui ce qu'il aime lire et essayer de venir au festival pour demander aux libraires qui sont sur place ou aux gens de l'organisation pour faire des suggestions qui vont amener ces gens-là à découvrir la bande dessinée. Oui, puis par le biais des spectacles aussi, j'ai l'impression, c'est par exemple le spectacle de la soirée poétique, ben, quelqu'un qui lit pas de BD mais qui apprécie la poésie peut choisir justement de venir, de s'approprier. Même chose avec l'impro, même chose avec le théâtre, une lecture de Motel Galactique. Donc, il y a des opportunités. C'est un peu de se dire, ben, la BD, oui, c'est le livre, mais ça dépasse. De valoriser ce genre-là qui est encore, malgré son succès en librairie, qui est encore, dans le fond, qui est très lu et qui mérite de l'être plus pour la valeur et la variété qu'il a. Ben, faisons une boucle peut-être, mais il y avait un article qui est sorti aujourd'hui qui mentionnait qu'en France, je pense qu'il y a 50% des gens qui lisent ou ont lu de la bande dessinée, alors qu'au Québec, si je regarde au niveau des statistiques, par exemple, on est à peu près à 18% au niveau des prêts en bibliothèque. Donc, on devrait, en termes de lecture, être autour de 20%. Il y a quand même du chemin à faire. Alors, à suivre de ce côté-là, et on a détaillé beaucoup de choses. J'invite les gens à aller sur québecbd.com pour avoir l'intégrale de tout ce qu'on a discuté, si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes. Thomas-Louis Côté, donc nous, on se revoit à plusieurs reprises, donc entre le 4 et le 14 avril, pour le 32e Festival Québec BD. Alors, donc Thomas-Louis Côté, merci beaucoup. Et nous, la semaine prochaine, on l'a mentionné, on aura donc les auteurs des 5 lieux les plus hantés de Québec qui seront avec nous. Donc, 3 des 5 auteurs qui seront en studio avec nous. Également, Michel Viaud qui sera sur place pour nous parler de l'affaire Delorme. Alors ça, c'est le rendez-vous la semaine prochaine pour La Vie en BD. Et c'était Raymond Poirier au micro. Passez une bonne semaine sur les ondes du 89.1.